Voici votre bulletin régional. À la bibliothèque de Saint-Isidore de Clifton, de 13 à 15 heures, le 3 décembre, on donnera un atelier gratuit de croissance personnelle intitulé « L'être humain est fait d'émotions. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion ?» Inscription au 819-875-5643, poste 5820. À Scottstown sera présentée une soirée d'information pour la prévention des vols à domicile par la SQ dès 19h le 3 décembre à l'Hôtel de Ville. La fête de Noël à la vieille gare du papier Distinguis aura lieu le 5 décembre à 17h30. Un dingo d'Inde se tiendra le 5 décembre à 19h à la salle municipale de Johnville au profit de la paroisse Notre-Dame de l'Unité, secteur Johnville. Les 5, 6 et 7 décembre se tiendra la seconde édition du Salon du livre scolastique au profit de la Bibliothèque de l'École des Trois-Cantons, à la place Oakland, 22 rue de l'Église, à Saint-Isidore de Clifton. Pour information, contactez Chantal Lemire.